J'ai fait ce morceau pour ceux qui savent. La tête haute, ceux qui savent. Rallye à la zig, les ambiances sales. Ok, 1, 2, 3. Levez bien les bras, ceux qui savent. Demandez ce qu'ils savent. Pour ceux qui savent. La tête haute, ceux qui savent. Rallye à la zig, les ambiances sales. Ok, 1, 2, 3. Levez bien les bras, ceux qui savent. Demandez ce qu'ils savent. Mec, allume le mic, laisse. Kiffe les ambiances stress. Musique, rap, hip hop, fat, yes. Fuck Los Angeles. Et si c'est tourné ce quartier S. Y'a pas de Notorious. Mais bon, laisse à test, bro. Le missile t'allume, bon, que les majors t'escroquent. Et que les pommes du salut, puis gratte la drogue, ok. Ça marche, contre bon, contre clan, moi j'suis un bon. J'ai pas besoin d'attendre les paris entre bon. Y'a pas les bitches de Miami, juste des speeches à Miami. Des projets comme Blair Witch dans Paris la nuit. Fox, Skyrock, moi j'débarque, on t'opprend. 100% boycott, nique sa mère. J'suis un rap sac pourri là. J'ai fait ce morceau pour ceux qui savent. La tête haute, ceux qui savent. Rallye à la zig, les ambiances savent. Les ambiances savent, ok, 1, 2, 3. Levez bien les bras, ceux qui savent. Demandez ce qui savent. Avant de flamber, je fais ce que je kiffe. Avant de tomber, les putes sortent des griffes. Mais je suis toujours en train de bander. Moi, je suis anti-condé. Nocif, sort des disques à la rage pour ne pas succomber. À la pipita, sans bodyguard. Moi, je suis polygame. Si y'a de la pute, je suis polygame. M'applaudis pas. C'est pour les dames, poteau. Aucun égal, frelo. Allez, pars, toi, là, je fais du rap solo. Dark. J'suis de l'époque, tu descends les, bande-les. Si c'est Yen s'accroche, je viens de descendre les. Travelo, du 19 ou Pablo. Chante-les, you voir, tente-les. You carotte, garde ta boulot. J'ai fait ce morceau pour ceux qui savent. La tête haute, ceux qui savent. Rallye à la zig, les ambiances savent. Ok, 1, 2, 3. Levez bien les bras, ceux qui savent. Demandez ce qu'ils savent. Pour ceux qui savent. La tête haute, ceux qui savent. Rallye à la zig, les ambiances savent. Habitue-toi à ma tête. Mon barrio apprécie. Quand je débarque c'est tout Paris. Soleil de la commandée. J'évite les clashs, les scandales. Moi j'sais pas jouer. J'te mets des coups de basket, des coups de soda quand j'suis fâché. J'm'en pas rester. Moi, élevé au casse-pipe. Bouffeur de couscous. Briseur de pouce et anti-casse-pipe. Rien à foutre des michetos, des cassos. Des stories de bastos. Des vrais shows, des faux, des tos ou des parasites. À star là dans les bacs. Guidé par l'asile ou par masie. On fait du par égal, c'est pour les braves. À la carabine. Là dans les bacs. Guidé par l'asile ou par masie. On fait du par égal, c'est pour les braves. À la carabine. J'ai fait ce morceau pour ceux qui savent. La tête haute, ceux qui savent. Rallye à la zig, les ambiances savent. Ok, 1, 2, 3. Levez bien les bras, ceux qui savent. Demandez ce qu'ils savent. Ceux qui savent. La tête haute, ceux qui savent. Rallye à la zig, les ambiances savent.